إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي من جل سبحانه في توفيق برم عز وجل في سنوداس بيغا خمني مغا أجو شتير هو دي المنتقى من إغاثة الأحفال من مصائب الشيطان. والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى xam ngeen ne ñi ngi ba legi ci buntu bobu nga xam ni moy al babu sadis muy juroom benen buntu bi te muy buntu bu am solo buntu bobu aju ci tedde nga xol banexam xewalam bonheuram ak defaroom xol bu defar ci lan lay def yow mi ko bëgg yow mi mu yitteel ci nan nga ko mëna amé xam nga tay sunu aduna yag na nak bu tay deug ak neen dañu nek toujours ci confrontation lèr ak lendeum dañu nek ci confrontation dem nañ ba ag ci biir moy xol bané ko xol ak défaro ak tédde ngeen ak yewenam finalement dafa nek en confrontation ak li nga xamanteni ni mom moy le paraître li nga xamni moy extérieur do mo adam jëmum ci ci ci dafa jëmum ci ci ci sino ko mango ya lolu dafa nek ci ay yoon yo xamni yu subtil la ay yoon yu oyof yo xamni nit ki su ko sunu borom defalul tawfiq mu am gis gisu xol du mëna idrak lool motax téré bi ni dafa laaj niveau niveau ci yam niveau ci dégg dégg nit ki bu ko amul rek da nan ah ki de day soxantal aduna ki de da buggul aduna ki de dafa buggul bopam gis nga alors que fekk niveau mo soy niveau mo ba nit ki bu fekkente ne li gëna développer ci mom moy ce qui est matériel ce qui est physique téré bi bu ko doon jàng ba mu jeex tamit su ko yàlla di bëri wul du ci comprendre dara waaw du ci comprendre dara est ce que da tay bo xolé li ëpp ci nit ñi fokk lañ doon li ëpp ci nit ñi tay benn hamburger mo leen gënal mu xor len gënal ngor gis nga ben hamburger taxna ñuy catch da ngay gis mak mu am 50 ans wala 60 ans di catch ngir ben hamburger nga gis ko sol yere diina ngir poñato aduna poñato aduna tax mu bayyi orientation diina pour mëna am poñato aduna manam am ay xaliss am ay terrain am ay auto wala am akoxymo gis nga nit ñi dañu dem ba tollu fofu par exemple yow ak lo jangale diina tank gennoo ci télé yi pour ñoom yow xamo dara gennu ci télé di xoggali waaw tok naan waaw marin bi ma sol nak diw création fashion création moma ko ñawal yow doto oustaz mais gewel nga gewel bu yalwan la gewel bu woyal mais doto oustaz bu jangale mais société bi nim bindo tay gis nga bu fekke gis yi dafa fat imaginer sa beut bu fato pep su bu duggé sa beut gis nga ni muy mel amna ño xamni dinañ seen gis xol non lay fato gis nga seen xol yëg yëg ba nga xamante ni nii mooy yëg yëgu spiritualité bi du yëngu, day faible wala mu dee. Ñooñu àdduna rek lay gis. Ñooñu day jafe ci ñoom ñu am dégg-dégg bu yëkkati ko. Allahu musta'an. Te nag sunu borom li mu wax dafa leer. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Mu ne yowmal qiyam mooy bés bi nga xam ne alal ak njaboot du la ko jëriñ, parce que loolu c'est physique. Alal ak njaboot du la jëriñ yowmal qiyam. Kan mooy jëriñu? Illa man ata Allah bi qalbin salim, lu dul ki nga xam ne dikk na indi qalbu salim, gis nga xol bu mucc ayib. Te téere bi ci yoon boobu la lay orienté, ci yoon boobu la lay teg, gis nga. Kon téere bi téere lan la? Téere tarbiya la, dafay defal sa ruux. Tarbiyatu nafs dafay yar sa bakkan, daf lay orienté pour teg la ci yoon bi. Yoonu lan? Yoonu bénéfice, yoonu am ngañaay àllaaxira. Gis nga ko. Mais nag moment bi dafa fekk ñu bëri ca la ñuy xëcc pour jëm ca mooy yoonu réussite àdduna. Yoonu réussite àdduna. Da ngay xool yow ci sa bopp, yaa ngi topp àdduna di daw. Say doom aussi ci même yoon boobu nga leen di def, topp ci àdduna di daw. Xoolal say activité, yomb naa xam quoi. Xoolal say activité, lan nga ci jox àllaaxira ak lan nga ci jox àdduna. Alors que règle bi moo nekkoon wabtaghi fi ma aataka allahu daral akhira wala tansa nasibaka min addunya. Yàlla li nga jox mu ne fàggu ci këru àllaaxira, waaye bul fàtte sa àdduna. Àdduna dañ la ne bu ko fàtte rek, dañ la ne bu ko fàtte ne l'oublie pas. Mais àllaaxira nga war a fàggu. Mais ñun lan la ñuy def? Dañuy fàggu àdduna. Àllaaxira moom waaye fàtte wu ma ko de, ah oustaz fàtte wu ma dar sami de, moom kay maa ngi ci fan yi kay liggéey bee ma jàpp rek. Ah oustaz moom kay sama njàng bi kay moom léegi mi ngi soxe, liggéey bee ma jàpp rek. Ñoom ñaar noo def? Ban nga jiital? Ban ngay fàggu? Àdduna ngay fàggu, àllaaxira nga naan fàtte wu ma ko de, ah oustaz fàtte wu ma ko de. Gis nga. Alors que principe bu normal bi moo nekkoon la. Àllaaxira ngay fàggu moom ngay daw di wuti. Àllaaxira moom ngay daw di wuti. Àdduna nga naan noo fàtte wu ma ko de. Lu tax? Li tax mooy àdduna bi li ñu fi war a am suñu borom moo ko garanti. Amul benn dàbb ci kaw suuf lu dul ne wërsëgam ma nga fa borom bi tabaraka wa taala. Kañ lay ñëw, nañ lay egsee, nu muy toll, loo cay jëriñu, loo cay def, loolu sunu borom noppi na ci ba pare. Gis nga. Mu teg ca mu ne nag laajuma la wërsëg. Sunu borom ne laajuma leen wërsëg. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Man yàlla xalay wërsëgal, laajuma la wërsëg, looy daw looy kër-kër. Wërsëg mooy li ma la taraaseel man pour nga jot ci. Yow la la war rek mooy nga dox ci ay sabab, nga dox ci ay sabab waroo toog la jàccaar déedéet. Mais la la war mooy nga dox ci ay sabab. Mais sabab yi ngay dox war nga ko xoolaat bu baax. Gis nga mbokk, fan la priorité nekk? Tey jafe-jafe bi foofu la nekk. Tey dañuy solo nit ñi naan ay géopolitique. Vraiment boo demee États-Unis tey, la Chine c' est une puissance, mais États-Unis da koo bëgg a muur, parce que boo xoolee coronavirus bi benn kii benn laboratoire P4 ci vaccin yi franc-maçon yi. Gis nga wax yi yëpp xam nga lu muy def ci soxal. Da koy bekkorloo, day bekkorloo. Kon ñi ngeen di dégg ñuy wax ñooñu ñëpp dañuy foye vocal. Ñi ngeen dégg ñu yor programme bi franc-maçon yi, topp franc-maçon yi rek. C' est à dire sénégalais moo mel noonu. Moom lu dal jàmm mën na ci di yuuxu, mais li dal li ko jege da koy nëbb. Ragal leen yàlla ngeen bàyyi hypocrisie bi. génn ci Facebook yi, génn ci YouTube yi, def ay live 2 heures de temps, ñu naan la professeur nangam nga topp ci franc-maçon yi rek. Ok, franc-maçon yi yan ngay topp yow? Franc-maçon dëkk jàmm yi ñu am ni lijjanti wu la sax, lijjanti wu sax ba xam yow yaa ngi dund wala dund, mais sa franc-maçon dëkk rek. Ñi nga xam ni ñoom nee nañ seen diina nangu na nga jël saw, saw bu xam ngeen luy saw ci digg bi lay jaar saw, puisque moom ma koy wax ak at ya mu am amu ci kersa wax ko, jël loolu di ko takkal diine islam, sama baalu naa ne yaa ngi dégg. Nee na nga jël saw jàppee ko julli julli bi baax saw, mu jël loolu tax ci diine islam, kooku du franc-maçon. Ah, vidéo baa ngi fii saa di sam li ci problème mooy dégg ngeen vidéo bi lu tax ngeen génn marche, génn leen marche. Ay tey bu ko président de la république waxoon, ay tey bu ko premier ministre waxoon, la ilaha illallah. Ah, c'est de l'hypocrisie. Lu tax ngeen nafiq, lu tax ngeen nafiq? Tey bu ko président de la république waxoon, hey, ngeen diine islam da ngay jàppe saw, kii franc-maçon la, kii nangam. Léegi nag waajaan vidéo baa ngi nii, lu tax du ngeen wax? Jóg leen ngeen dal ci kaw kooku. Deux poids deux mesures, vous êtes hypocrite, c'est de l'hypocrisie. Nafiq baaxul, mais seen nafiq li ko waral mooy lan xam nga lan? Da ngeen a boole réer ak topp seen bànneexu bakkan. C'est ce qui est dommage, c'est la mort ça, c'est la mort. L'ignorance seule suffit, l'ignorance seulement suffit pour être mort. Léegi nag imagine ñu dolli si la passion ba nekk bakkan, c'est la mort assurée. Wax leen, wax leen, boo jotul vidéo bi laa dem ñu jox la vidéo bi, boo koy laaj nit ñi di la ko jox, wala nga dem YouTube nga bind ko. Tey bi tey amatul lay amatul liñ daan jël yëpp di muur taxaw fee naan waaw franc-maçon yi nekk France, waaw franc-maçon yi nekk États-Unis, parce que États-Unis boo xoolee seen statut de la liberté bi dafa am 13 vidéo, vidéo bi ci waay yow yëpp États-Unis xoolal distance bi, yow sa franc-maçon yi dëkk nag waa ci wax. Ah, ñu naan dañuy jël saw di ko jàppe pour julli, doo ci wax ñooñu? Ah, ñooñu nga peinture ba mu nice après ngay dal, mooy li ma doon wax ci biir géej, mooy li ma doon wax ci Bill Gates. Ma ne la gis nga Bill Gates dafay amul mbokk rek, waaye gis nga bu fi amoon mbokk ba organiser ay cant, ah, genn waalig yëpp taalibe Bill Gates la ñuy nekk, waaw, genn gaalig yëpp tariqa Bill Gates la ñuy dem bokk, waaw, di si karal Bill Gates. Nañu bàyyi nafiq, le chat on l'appelle par son nom. Nañu bàyyi nafiq, nafiq mënta weesu lii, nañu bàyyi nafiq, c'est trop, c'est trop. Yow li la jege mi ngi nii, ah, kéwal kay balaa nga koy dàq mu jëm àll dàq ko mu jëm kër. Lan moo gën a satanique jël saw di ko jàppe? Lan moo gën a nekk lu maçonnique jël saw di ko jàppe? Ah, Bill Gates da nga ko gis mu jël saw di ko jàppe? Non, waaw, bon, parce que le nouvel ordre mondial, je sais, am na seen programme yëpp loolu la. Xamuñu faratay julli, xamuñu faratay jàpp. Seen programme yëpp mën nañ laa loqatil franc-maçon yi, waaw, ñee seen drapeau bi, parce que boo xoolee rouge bi nii la, bon, étoile bi ni nga ko branché nee. Boo ko laajoon faratay jàpp xamu ko, boo ko laajoon faratay julli xamu ko, boo ko jaaroon lan mooy tawxid xamu ko, man rabbu ko mat dalil xamu ko. Parce que boo xee ba pare day jóg dem ànd ak bokkaalekat yi, dem ànd ak ñiy def des pratiques sataniques et maçonniques, dem ànd ak ñoom di lënkaloo ak ñoom. Kon yow li ngay xeex ban sens la am? Foo koy xeexee sa dëkk, sa dëkk nga koy xeexee, wala état civil nga koy xeex? Ah, pourquoi on est hypocrite? Pourquoi, pourquoi on est hypocrite? Mais lu tax ñu nafiq, lu tax? Pourquoi? Ah, balaa ngay dàq kiwal mu jëm àll dàq ko mu jëm kër, commence par toi même, commence par toi même. pose ta conscience les bonnes questions. Est-ce que yow yang ci yoon bi avant ngay lijeenti bir geet ndax ni ci yoon bi est-ce que yow yang ci yoon bi yow est-ce que yang ci yoon bi gis nga lijeenti no waaw parce que gis nga ji ke sol na drapeau bi gis nga drapeau bi rouge bi rose la verte bi ki la ki ki ok d'accord gis nga di nga meuna détailler drapeau identifier waaw les moy drapeau ki gor jigen les moy drapeau lesbienne waaw franc-maçon bi gis nga étoile yi sen ki sen branche étoile bi fi gis nga bo xolé keur gi arc yi ci def bo xolé triangle yi chapitre julli ñaata mu taxaw di nga yow xamoo chapitre julli nga bëgg ñoo informer yow ci franc-maçon yi wala ci keneen ak keneen yow xamoo luy tawhid nga bëgg ñoo informer c'est parce que aussi nit ñi ils ne savent même pas qui écouter. C'est ça le problème. Wax ji moy lolu. Xamuñu kan lañu wara déglo kuñu warta déglu. Yow da ngay déglu dal waji di wax ci lu la neex passion. Ñu bari sen passion xam nga fan la nek moy ben way bo xam day wax dal ci gouvernement. Yo gëyelo cha oustaz eh oustaz kay cha cha cha cha. Fekk oustaz il est tout faux. Il est tout faux. Gis nga ñu jël ko def ko parce que da fay wax ci day dal ci gouvernement bi quoi da nga yaakar yow li nga nekkal gouvernement mo la ko tek ndomba yi nga tak gouvernement mo la par force tekkal ndom qu'on se dise la vérité hein ce musiba yoyu wër la xam nga lan la ci bokalé ak moy yalla ak galgati bi nga nekké té lolu c'est pas le gouvernement qui t'a forcé à le faire. C'est le gouvernement qui t'a forcé à faire des pratiques sataniques. Le gouvernement bi mo wayo ñu genn nan dañuy jappé saw gouvernement moko wax mo wax lo lutax lu genn ci wax lutax lutax ok benen bi ñu né da ngeen di xex gouvernement parce que dañoo satti li dañoo satti gëm sey ñaari bëk wala nga gëm bëb na wa d'accord sax wanti nak xam nga rek légui hypocrite buñu bëggé défaru diin buñu bëggé défaru aduna dañuy bayyi jikko hypocrite bi waaw al kaylu bi mikyalay nga xam ni ya nga yor ñaari balance bi pour la arranger la balance bi pour su féké arrange la da ngeen di xex mbon amna fi association xawma ONG xex mbon xawma les valeurs xawma defar jikko yi legui du ngeen wax ci waji yonent bi jangale japp waji ñu naan day jël saw diko jappé koku du ngeen ci wax koku nekkul di yak valeur nit ñi nekkul di yak dogme nit ñi nekkul di yak passeu nit ñi koku nekkul di saga alcorane koku nekkul di saga yonent bi ngeen ne tek ba pare ngeen ne da ngeen di xex jikko ban jikko ngeen gëna mëna xex ban jikko ngeen di xexal ban diine ngeen di xexal ban defar ngeen di xexal ban meurse ngeen di xexal ana ONG yi fi nek di yuxu ana ngeen ya'lamu dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati ghafilun aduna rek mo leen di jeex al-akhirah ngeen seugem al-akhirah ngeen tayal al-akhirah ngeen yokkat al-akhirah ngeen nek ay ndifagn aduna kay ngeen di keur keur yi waaw gouvernement bi suñu pétrole nañu ko jox nañu jox suñu 400,000 yeen seen aqila lañ yaq yeen seen tawhid lañ yaq pourquoi vous ne revendiquez pas vos hit ngeen di revendiquer ay 400,000 mo yow 400,000 fum la fekk fa la lay baye wala deet han 400,000 du ya koy liggey sa tawhid bi nga ñakk nak ci bokale ñu la sembeutal noural na ci bokale ak ay bida di la ci nampatal nga ci nam guddek beccak ba mandi nampatal ci sa njabot def len lan def len ay esclave ñuy dawal ci safa ak marwa lo xamni yalla lañ ko waron defal lolou du ngeen ko revendiquer lolou dugen ko revendiquer ha wa hum an al-akhirati ghafilun wallahu musta'an wa ilayhi tuqlab wa la hawla wa la quwwata illa billah.